Pourquoi j'ai les yeux qui suent plus le mouvement de nos jours? Pourquoi j'ai le cœur qui tremble de peur face à l'amour? Les genoux à terre, baisser la garde. Pourquoi la mort me taquine? Pourquoi elle tarde? J'ai l'impression d'être un insecte venimeux, d'empoisonner ceux qui ne méritent pas se sortir les jeux. Pourquoi tant besoin de se montrer dur de caractère? Pourquoi ne pas pleurer pour exprimer toutes nos colères? Je m'essouffle, non pas parce que je suis asthmatique, parce que je me déçois et c'est automatique. La déception rattrape toujours de vitesse la satisfaction. Que l'impulsivité gagne la gentillesse en manipulation. La gorge nouée, j'évacue quand ça devient alarmant. Je me cache des regards et je lâche tout extérieurement. Pourquoi je jongle entre le bien et le mal? Pourquoi y'en a pas qu'un qui s'installe dans mon système cérébral? Pourquoi plus on avance et plus on recule? Et pourquoi les sentiments ne sont plus? Pourquoi ce sont ceux qui n'ont rien qui donnent tout? Pourquoi on ne répond plus un seul amer à les cons? De nos jours, on envie nos voisins. On souhaite la mort à nos proches et jamais le bien. On tourne en rond, on refuse de se l'admettre. C'est dur d'assumer sa galère. Pénible de se lever sans but, laisser sa journée passer au fur et à mesure. Le soir même, tu refais le point. Une journée de plus à rien foutre, que sera demain? Finalement, tu évites d'y penser, car ce serait une bonne raison de plus pour tout lâcher. Et pourquoi on ne fait plus confiance à nos rêves? Peut-être parce que l'homme aime sa merde et ne veut pas de trêve. Pourquoi au jour d'aujourd'hui c'est tellement dur d'aimer? On a tous peur d'être déçus par l'amour, seul pour pleurer. Seul pour pleurer. De retour pour servir, assaillir le bon et le pire, alors que la haine permet d'haïr. J'aime pas faillir, mais juste dire que certains délires peuvent nuire. Il suffit pas d'un sourire ou d'un rire pour vêtir ce que tu as à l'intérieur du cœur, une envie de partir. Dieu t'a donné la vie, alors il faut tenir. Avant de fleurir ta tombe, faut pas que tu tombes. Le creuse des tombes, des bombes. Les quartiers viennent des catacombes. Stop à la violence dans le monde. Héritier du flow, sans pitié dans mes mots. Victime de la routine, air nocturne, nouvelle team. À bout de souffle, à bout de force. À bout pourtant, et j'amorce. Et ça soupire de jour en jour et ça empire. À travers tant de cris de guerre, tant de poings levés. Tant de genoux à terre, air nocturne vient te soulever. Yeah, c'est ne soupire pas, ne soupire pas. Marche droit, pas à pas, tu réussiras. Au-delà des coups bas. J'avance toujours pareil, mais pas de la même façon. Classer mes réactions en fonction de l'action.